Comme chaque matin sur France Bleu, consultation avec le docteur Kirzek. Bonjour docteur. Et ce matin, une pratique surprenante mais intéressante. Vous nous dites de partager les tâches ménagères avec les enfants. Bonjour à tout le monde, ça va intéresser beaucoup de monde. C'est vrai qu'on évoque régulièrement la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes dans un couple. Eh bien moi, je vous propose, et c'est médical, de partager avec vos enfants. Et le fameux « range ta chambre », mais pas que, c'est « mets la table, prépare le repas », serait en fait bon pour la santé mentale des enfants. En tout cas, c'est le conseil d'une collègue pédiatre, le docteur Shelley Flace, qui est pédiatre, membre de l'Académie américaine de pédiatrie. Et elle prône la répartition avec les enfants parce qu'elle dit que le fait de les mettre au boulot, c'est essentiel pour leur apprendre à réaliser certaines tâches, à travailler en équipe. Alors évidemment, il faut adapter la corvée à l'âge de l'enfant, mais dès le plus jeune âge, en plus ils sont souvent désireux d'apporter leur aide, ça leur apprend, dit-elle, des compétences de vie et comment coopérer dans un groupe. Et cette notion de travail d'équipe, cette notion d'entraide au sein de la famille, eh bien ce sont des valeurs essentielles qu'ils vont conserver toute leur vie. Alors ça peut être ranger des jouets, ça peut être apporter tel ou tel objet ou réaliser une tâche ou nettoyer les vitres. Et tout ça, c'est en fonction évidemment de leur âge. Alors docteur, souvent c'est compliqué, le résultat il laisse à désirer ou l'ado, il veut pas tout simplement. Pas de problème. En cette période olympique, on pourrait reprendre la devise du baron Pierre de Coubertin, même si il se l'est attribué, c'est pas lui qui en est à l'origine. L'important, c'est de participer. Et il ne faut pas attendre un résultat parfait. Cela doit toujours être un plus pour l'estime de soi de l'enfant. Donc, il faut toujours le valoriser, louer ses efforts, les petites réalisations. Pas question de l'engueuler en disant « tu as mal fait ». Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, 10, eh bien, les tâches, elles vont grandir aussi. Vous allez pouvoir leur confier des choses de plus en plus élaborées. Les enfants vont pouvoir faire leur lit, faire la poussière, ranger leur chambre, par exemple. Et puis, les ados, ils peuvent passer l'aspirateur, ils peuvent laver le sol. Et si vous disent « ah ben non, j'ai pas le temps », ils ont le temps d'utiliser les écrans. Puis, ils savent utiliser les écrans. Donc, s'ils sont capables d'utiliser un smartphone, je pense qu'ils peuvent comprendre comment utiliser une machine à laver, un four ou un lave-vaisselle. Donc là aussi, ils vont pouvoir vous aider, participer à la famille. Et l'idée, c'est que ça se fasse dans la joie et dans la bonne humeur. Il ne faut pas que ça soit une source pour se disputer. Et à bon entendeur, à tous les ados et adultes qui nous écoutent, d'ici là, portez-vous bien.